Thank you. c'est sûr que c'est les sauces. Dirty? Could you play drum?

T'as du talent, mon grand. Thank you. Thank you.